contre les États-Unis et la bande de Bakouni promet traître à la nation qui ont fini par commencer les manœuvres militaires Ulti Freedom Guardian visant la première frappe nucléaire contre notre République. Le corps des jeunes protestataires coréens au Japon a livré le 24, malgré les empêchements des blindés de la police mobile et des policiers japonais anti-émeutes, la lutte de protestation envers les ambassades américaines et sud-coréennes au Japon.